Dieu ne condamne pas ses enfants. Jamais. C'est la chanson que nous allons chanter. qu'aujourd'hui, il y aura quelqu'un qui dira ceci. Il m'a guéri. Je sais qu'aujourd'hui, il y aura quelqu'un qui dira ceci. Il m'a béni. Je n'entends pas quelqu'un pousser des cris de joie parce que c'est la vérité. Alléluia. Je sais qu'aujourd'hui, il y aura un frère qui dira ceci. Son Dieu est vrai. Je sais qu'aujourd'hui, il y aura une sœur qui dira ceci. Leur Dieu est vrai. Oh! Alléluia! Poussez des cris de joie, Jésus, parce qu'il est mérité.